listening to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio avec en ouverture Stevie Salas, extrait de son album Back From The Living. Ça nous ramène à l'année 94, donc paru au milieu des années 90, on retrouvait le bassiste T.M. Stevens sur cet album. Voilà, restez bien à l'écoute du 895 de Radio Dio. On aura de l'excellente musique ce soir, également une interview. Et pour l'heure, on se lance un bon vieux morceau de hard rock. Ce sera le dernier album de Mr. Big, Good Luck Trying. Donc le groupe est actuellement dans sa tournée d'adieu. Donc toujours bien entendu Billy Sheehan, Paul Gilbert, Eric Martin et puis un autre batteur, puisque leur batteur Pat Torpey, batteur des années 90, est malheureusement décédé il y a quelques années de la maladie de Parkinson. Voilà, nous sortons un dernier album sur Frontiers Records, ça s'appelle Good Luck Trying, pour le premier single qu'ils ont dévoilé. Frontiers Records. On va continuer maintenant dans un style plus heavy metal traditionnel avec Riot 5 qui nous revient avec cet album Mean Streets. Toujours Bah, le groupe du regretté, Mark Reel, sur lequel, même s'il n'est plus dans le groupe depuis maintenant quelques années, bah, le son, la patte, le fantôme d'une certaine façon, plane toujours. Ce sera Feel the Fire qui nous ramène à des bons vieux albums de Riot comme Thundersteel, paru à la fin des années 90 et qui avait vu le groupe un peu plus classique porté maintenant dans une vague un peu plus speed metal. Feel the Fire! Lightning! Donc je l'avais dit en début d'émission, ce soir dans Overdrive, on aura une interview et ce sera ce vendredi, Inner Landscape, qui nous sort cet album 333 sur la Clonosphère. Donc est-ce que tu nous entends bien l'autre bout du fil? Oui, très bien, impeccable. Et ben, alors tu viens nous présenter ton groupe Inner Landscape. Vous faites ce qu'on pourrait appeler de post-rock un petit peu ambient. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une musique qui se veut, on va dire, ambiance, sur laquelle on garde un petit peu le chant hurlé du métal extrême, avec, on va dire, une sonorité de guitare qui se voudrait un peu plus proche du rock, on pourrait dire, au sens large du terme, hein. Que du métal extrême, et puis bien entendu une grande recherche à la fois sonore et rythmique, et surtout sur les ambiances. Donc première question, il me semble que cet album de 6 titres, vous le travaillez depuis maintenant de nombreuses années. Est-ce que tu peux un peu revenir à la fois sur la gestation du groupe et de l'album? Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme tu le décris bien, on est à l'intersection de plusieurs influences et de plusieurs styles. Donc, on essaie de mélanger et de faire aboutir un peu tout ce qui nous plaît dans la musique au sens très large. Parce qu'on, je le détaillerai après, mais on vient d'univers assez différents, notamment entre le batteur et puis les instruments à cordes. Et cet album 3h33, il est le fruit d'un long parcours d'apprentissage et de découverte musicale. Mais Inner Landscape, en tant que groupe, existe dans sa forme actuelle depuis pas si longtemps que ça, depuis à peine 4 ans, en fait. C'était à peu près au niveau du Covid. En fait, on a fait la rencontre avec un batteur qui s'appelle Adrien Bernet, qui lui est issu du jazz, en fait. Avant, on était une autre formation, on était organisé différemment. Et quand on a rencontré Adrien, en fait, on est d'abord devenus amis. Et puis, on s'est mis à faire de la musique ensemble. Et lui, il a vraiment apporté une approche rythmique vraiment très différente de ce qu'on connaissait. Parce que avant, on était beaucoup plus dans du métal, peut-être un petit peu plus classique, j'ai envie de dire. Et là, on a réussi à mélanger à la fois ses aspirations et ses influences jazz de par son jeu de batterie, et nous nos origines, on va dire plus métal, plus post-métal aussi, dans les références qu'on cite pour histoire de nous placer un peu sur la carte. On a tendance à parler de Isis, de Cult of Luna, The Ocean, avec des touches de Porcupine Tree aussi sur l'ambiance et notamment le travail des guitares. Oui, sur certains arpèges et certaines sonorités. Oui, je pense. Tout à fait. Du coup, l'album 3h33, il a vraiment commencé à être écrit, je dirais, courant 2020. Courant 2020, et là, voilà, il sort aujourd'hui, mais on est dessus depuis pas mal d'années, mais nos racines musicales, elles remontent à bien avant 2020. Et justement, cette rencontre avec ce batteur, est-ce que ça vous a amené à retravailler, on va dire, différemment certaines parties de guitare, ou à faire tout simplement des choses que vous n'étiez peut-être pas à la base habitué? Effectivement, ta question est hyper pertinente, parce que quand on a fait les premiers essais avec Adrien à la batterie, avec les autres membres du groupe, on s'est regardé en se disant waouh, ça va tout changer, en fait. Ça va fermer certaines portes, parce que effectivement, de par cette identité jazz, il y a des plans qu'on pourra pas faire sonner pareil. Mais on s'est dit aussi, on va pouvoir expérimenter plein de nouvelles choses, et on va pouvoir essayer des approches un peu plus atmosphériques et expérimentales qu'on cherchait pas forcément avant. Et quand on a fait ces premiers essais, on a fait un peu table rase de toutes nos compositions avant. On a essayé de jouer avec Adrien sur nos anciens morceaux, mais vu qu'ils n'avaient pas été composés avec cette cette idée rythmique en tête, on sentait que c'était pas les... C'était forcé. Bon, voilà. Ouais, c'était pas le plus cohérent, on va dire. Ça résonnait pas de la même manière. Et quand on a commencé à écrire notre premier morceau ensemble, d'ailleurs, on a des collectifs dissonants qui était notre premier morceau à tous les quatre, on a vraiment senti qu'on avait basculé dans un autre, dans une autre manière de créer notre musique à nous. D'accord. Alors vous avez fait le choix de garder un chant uniquement, on va dire, extrême, d'une manière générale, oui. Alors que vous êtes quand même une musique, quand même ambiance, sur laquelle on pourrait également imaginer, on va dire, un passage plus planant, avec plus de mélodies vocales. D'où est-ce que vient ce choix ? Alors vous n'êtes pas les seuls, puisque tu faisais référence à des groupes comme Isis ou Kultuv Luna qui sont également réputés pour ça d'une certaine façon. Oui, alors pour le coup c'est vraiment un choix esthétique de notre part. Il y a de nombreuses années on avait essayé justement d'alterner le chant clair et puis le chant hurlé. Et je t'avoue qu'on trouvait que c'était un peu attendu aussi. Cette espèce de côté un peu binaire avec un chant un peu plus planant sur des passages instrumentaux, atmosphériques. Et en fait, c'est quand on a essayé de plaquer du chant hurlé sur justement des passages avec des arpèges, qui évoquent beaucoup de mélodies, avec beaucoup de réverb, quelque chose de très planant, et venir mettre ce chant abrasif par-dessus, ça a évoqué une esthétique qui nous a beaucoup parlé. Et c'est ce qu'on a vraiment essayé de garder comme expression des émotions qu'on trouve dans notre musique, en fait. Oui, je pense que c'est une des caractéristiques de tout ce qu'on appelle un peu post, que ce soit post-rock, post-metal, post-black. Hein, c'est ce côté un petit peu, on voudra dire, très planant, avec, on va dire, beaucoup d'écho, de réverbération dans la musique, et un chant qui est un petit peu, qui est tout simplement crié par-dessus, quoi. Je pense que c'est ça. Alors, une des caractéristiques de tous ces styles qu'on appelle post maintenant. Oui, c'est vrai que le chant, la place du chant dans le style post, que ce soit du post-metal ou du post-rock, ça vient assez souvent écorner justement l'atmosphère musicale qui peut être plutôt douce par moment. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais revenir justement sur le titre de l'album, 333 ? Alors c'est le dernier titre justement de cet album. Et d'où est venue cette idée ? À quoi ça fait référence ? Alors en fait, l'album 3h33 et le morceau partent d'une histoire très personnelle. Dans le sens où 3h33, c'est l'heure de décès de mon père quand il était à l'hôpital. Et l'album en lui-même raconte la lutte d'une famille et la chute finalement de cette famille-là autour de la maladie d'un parent et qu'est-ce que ça bouleverse finalement dans les relations entre les parents, les enfants, entre les parents eux-mêmes, entre les enfants eux-mêmes. Et chaque morceau finalement vient un petit peu aborder une facette de ce parcours de la maladie. C'est une maladie qui s'est étendue sur presque 10 ans. Et voilà, 3h33, finalement, c'est ce périple-là, dans tout ce qu'il y a de bouleversant, de terrible, mais aussi de moments plus lumineux, de moments de presque de célébration, même à l'intérieur du deuil. Et l'album se conclut sur cette... cet au revoir, cette montée un petit peu cathartique où il y a un peu tout qui se reprend, tout qui se joue. Et c'est un peu le point final, mais c'est le point d'orgue de cette histoire très relativement personnelle. Donc on a là quelque chose d'assez autobiographique, on pourrait dire. Est-ce que c'est une composition qui t'est chère, que tu es venu présenter aux autres, à la fois peut-être d'un point de vue de la musique et des paroles, ou est-ce que ça a été au contraire un travail un peu plus collaboratif ? Alors, il faut savoir que dans le groupe, on est, avant d'être musicien, on est d'abord amis. Notamment avec Thibaut et Alexandre, on se connaît depuis les années collège, voire l'école primaire. Et on est d'abord devenus amis avant de devenir. On a appris à jouer de la musique ensemble et on a commencé à faire de la musique tous les trois ensemble. Et on a rencontré Adrien plus tard. Donc en fait, la particularité, c'est que écrire de la musique ensemble, finalement, c'est assez naturel sur ces sujets-là parce que puisqu'on est amis, ils connaissent ma vie, ils connaissaient bien les épreuves que j'ai pu traverser. Donc je dirais qu'il y a eu une collaboration sur le plan de l'écriture musicale des morceaux, de comment on agence le morceau, on fait le tri dans les plans. Il faut que la musique, elle nous parle à tous, même si le thème est très personnel. Quand on le joue, quand on expérimente les plans, il faut qu'à un moment donné, le groove s'installe et que l'émotion, elle nous traverse un peu tous. Et c'est là qu'on se dit, ok, ce plan-là, il marche, il raconte quelque chose, ce morceau-là, il est bien complet. Et c'est dans ce sens-là que c'est collaboratif. C'est pas moi qui viens et qui, comment dire, distribue les parties en disant on va faire comme ça et tout. J'amène la matière première, mais on décide collectivement. Ok. Ce que je te propose de faire maintenant, ça va être de passer à un premier morceau pour ce soir avec Collective Dissonance. Tu nous en as parlé un petit peu plus tôt dans l'interview en nous disant qu'il s'agissait de la première composition véritable que vous aviez fait, ouais, pour cet album Inner Landscape. Pour toi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit là d'un représentatif, un morceau représentatif de l'identité du groupe? Oui, je pense que c'est un des morceaux dans l'album qui met assez bien en lumière tout ce qu'on aime aborder comme mouvements musicaux et comme atmosphère, parce que on l'entendra tout à l'heure, mais il y a à la fois des riffs, on va dire, avec une esthétique, un son plutôt rock, comme tu l'as dit. Clairement, on n'est pas dans les codes du métal, on va dire numérique et presque djent, tu vois. On garde un son relativement rock, mais on a aussi, voilà, des passages beaucoup plus atmo, avec beaucoup de clean, beaucoup de reverb et ce chant hurlé qui vient un peu écorcher tout ça. Et puis au milieu, il y a un passage rythmique, basse batterie, assez costaud aussi, et qui est pas facile à apprivoiser au premier abord, quoi. Voilà, ça c'est un peu tout ce qu'on aime. Donc ouais, je suis d'accord, ça représente bien ce qu'on essaie de faire. Eh ben, je te propose d'écouter ça tout de suite. C'était sorti la semaine dernière sur la Clonosphère avec cet album Free 33. Alors, est-ce que vous le prononcez à la française ou à l'anglaise? Je t'avoue que là, pour le moment, on le prononce à la française. 3h33. Et ben, pour ce soir, ouais, ce sera 3h33. Inner Landscape avec ce morceau Collective Dissonance. We'll be right back. Yes, Inner Landscape Collective Dissonance, c'est paru sur la Clonosphère, extrait de ce premier album 3h33 qui est sorti la semaine dernière. Donc, où est-ce que vous en êtes d'un point de vue des dates ou choses comme ça, possibilités de concerts pour soutenir cet album? Alors, en ce moment, on est beaucoup sur la promotion de l'album parce qu'on a bien conscience qu'on est on n'est pas connu, personne nous attend avec ce premier album sur la scène post-metal, post-rock. Donc là, on prend vraiment le temps de bien diffuser l'album et on n'a pas encore booké de date à droite à gauche pour le faire vivre sur scène. On a peut-être une date à la rentrée dans le sud, mais il y a rien qui est encore fait. Voilà, on est plutôt dans la phase de promotion et on est aussi dans la phase composition parce qu'on a eu grande hâte de retourner chacun derrière son instrument et de pouvoir travailler de la nouvelle matière et de pas trop s'endormir après un premier album parce que on avait envie de continuer à composer. Est-ce que vous avez composé plus de morceaux que ces 6 compositions qui figurent sur ce premier album? Non, on n'a pas encore atteint la masse critique pour un deuxième album, clairement. D'autant qu'on prend vraiment notre temps pour être sûr que chaque plan qu'on joue, on est tous convaincus et on essaye d'évacuer un peu les plans un peu, je vais pas dire faibles, mais les plans moyens ou les plans on pourrait le réécouter quelques années plus tard ou même quelques mois plus tard et se dire ah ouais, finalement ce passage-là, on aurait pu mieux faire ou il aurait pu être traité différemment. Donc on a une lente gestation pour écrire les morceaux, mais on veut faire ça bien et là pour le moment on a deux nouveaux morceaux qui apparaîtront peut-être en live d'ici la rentrée, on ne sait pas. Et justement, est-ce que c'est dans la même veine que 3h33 ou est-ce que vous évoluez vers quelque chose de différent? Je dirais qu'on est dans la... À la fois, on est dans la même veine parce que on a vraiment la sensation d'avoir, en tout cas, à notre niveau, trouvé une identité qui nous plaît et qu'on a envie de pouvoir défendre et de pouvoir incarner sur scène. Donc, on est très content quelque part de ce premier album parce qu'il sonne comme on l'a voulu. Donc, ça, c'était très important pour nous avec la phase de studio dont on pourra parler après. Mais on a à cœur de pouvoir prendre cette identité-là et de la faire, de la travailler encore mieux pour les prochains morceaux. Du coup, les deux compos qu'on a là actuellement, c'est dans la même veine que 3h33, mais on essaye de travailler déjà, de mettre au travail différents points, je pense, notamment au chant. Alors, je dis pas qu'il y aura du chant clair sur les prochains morceaux, probablement pas même, mais on va essayer de traiter différemment le chant et de le faire un petit peu bouger, là où dans le premier album, on a conscience qu'il est un peu monolithique. Après, je pense que c'est aussi le style, si tu veux, qui veut ça, quoi. Vas-y. Ouais, mais justement, je voulais revenir sur l'aspect enregistrement studio de ce premier album. Comment est-ce que vous êtes fait? Est-ce que on a une part un petit peu de ce qu'on a beaucoup de nos jours, c'est-à-dire du home studio qui est ensuite envoyé peut-être à un ingénieur ou même à un studio professionnel pour mixer, réamper comme ça se fait beaucoup, ou alors est-ce que c'est plus à l'ancienne, tous ensemble, au moins pour les parties basiques, dans une même pièce à jouer en live? Eh ben écoute, on a fait un mix des deux. Déjà, le processus de studio a été assez long parce que c'était notre premier album, donc on découvrait aussi, tu vois, cette partie enregistrement avec quelqu'un qui est là pour te guider pas à pas. Résultat est très bon. Hein, pour un premier album, premier merci. Jet, c'est très très propre et c'est super bien fait. Ça, y a pas de souci. On a fait le basse batterie en simultané. En fait, sur conseil d'ailleurs de notre ingé son Hervé Fèvre, qui en fait en écoutant la musique quand on a fait les pré-prod nous a dit: ah les gars, ça sonnerait vachement bien d'essayer de faire le basse batterie en même temps. Et c'est vrai qu'on avait un peu la même intuition au niveau du groupe. On se voyait pas enregistrer séparément d'abord la batterie, puis la basse, puis la guitare. Donc basse batterie, ça a été fait en très peu de prises d'ailleurs, tous les deux dans la même pièce. Le travail de guitare, en revanche, on s'était entendu avec l'ingé son, et ça, ça a été fait en home studio, voilà, à la maison confort, avec tout le temps qu'il faut pour faire les pistes de guitare. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui a pris presque le plus de temps, parce que en enregistrant l'album, on a continué à écrire finalement des arrangements et puis des pistes un peu plus cosmétiques par-dessus. Donc, on a fait les guitares à la maison et ensuite, on a fait le réamp des guitares au studio avec Hervé et puis le chant en studio aussi. Donc, ça a été un peu un mélange. Et j'imagine que dans votre style, il y a quand même un gros travail de recherche sonore sur l'enregistrement des guitares également. Oui, c'est vrai qu'on a joué sa prise une fois et c'est terminé. Je pense que là, il y a quand même une accumulation de couches, de pistes, de réverb et de choses comme ça. C'est quelque chose qu'il faut quand même bien réfléchir au moment de l'enregistrement. Voilà, je pense que Hervé m'en veut encore un petit peu du nombre de pistes de guitare que j'ai pu coller les unes sur les autres. Mais c'est vrai que moi j'y tenais et puis les autres étaient d'accord avec cette démarche, c'était de se dire on veut vraiment avoir des ambiances qui résonnent de manière très ample. Je pense à la réverb, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'effets presque de clavier derrière qu'on entend plus ou moins. Il y a des sons de guitare qu'on a vraiment essayé d'aller chercher pour évoquer quelque chose de spécifique. On voulait pas des sons trop génériques, même si on fait pas une musique barrée non plus. Mais voilà, on a vraiment passé du temps sur la recherche sonore, comme tu dis. Et c'est vrai que ça s'est fait à la fois en home studio et ensuite en studio avec notre ingé son pour chercher le bon effet, le bon plugin qui va rendre foi à ce qu'on voulait faire. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de travail de ce côté-là. Ouais, je pense que c'est aussi au niveau du mixage que ça doit se jouer. Maintenant, d'un point de vue visuel, bien sûr, à chaque fois qu'il y a une sortie d'album, tout groupe qui veut un minimum se faire connaître maintenant doit passer par le clip vidéo sur YouTube. Qu'est-ce qu'il en est pour développer un petit peu l'aspect visuel de votre musique qui s'y prête, à mon sens, très bien, dans ce sens qu'on a des influences un peu et des ambiances très éthérées. Il y a un concept également derrière. Qu'en est-il à la fois peut-être sur des visuels, une espèce d'identité autour du groupe qui peut se créer à la fois sur des clips et sur scène également? On a réalisé donc le clip du morceau éponyme de 3h33 qu'on a tourné il y a quelques mois et qui est effectivement du coup sur YouTube. Et on a cherché un lieu qui justement collait vraiment à la fois l'identité du groupe et puis à la thématique de l'album. Évidemment, on voulait pas prendre un lieu neutre non plus, au même titre que la musique qu'on a pu écrire. Et on a tourné à l'Hôtel Dieu, en fait, d'une ville en Bourgogne qui s'appelle Tournu. Et c'est vraiment un lieu qui nous a été généreusement ouvert par la ville et puis par le service culturel. Et on a vraiment senti qu'il pouvait se jouer quelque chose de notre musique dans ce lieu-là, avec ces lits vides qui abritaient les malades il y a quelques siècles. Enfin, on s'est retrouvé dans ce lieu-là et quand on a tourné, on a vraiment eu un bon feeling. On s'est dit, ouais, ça c'est vraiment un bon endroit, ça colle bien, quoi. Et les gens qui ont vu le lieu du tournage et qui ont vu le clip se faire, il y a eu un peu un consensus, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, ça va bien coller à ce qu'on veut rendre et ça va être le prolongement finalement de la thématique de l'album et de notre identité visuelle et musicale. Et sur le visuel de l'album, on a mis du temps avant de trouver, parce que effectivement dans notre style, avec notre style musical, il y a beaucoup d'images qui peuvent apparaître entre les plans un peu plus éthérés ou les trucs un peu plus violents. Et en fait, on est tombé à force de chercher sur une peinture qui existait déjà par un artiste du coup qui s'appelle Christian Benoît. Et on était vraiment qui n'est pas celle de l'album actuellement, qui n'est pas le visuel de l'album, mais en fait on l'a contacté en lui demandant si on pouvait éventuellement utilisé l'image de ses peintures. Et le peintre nous a dit, la peinture, en fait, je l'ai déjà faite, je l'ai déjà vendue, et c'est un peu chaud de demander, entre guillemets, les droits au propriétaire actuel de la peinture, je sais pas s'il va être d'accord, etc. Et en fait, Christian Benoît nous a dit, écoutez, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, donc si vous voulez, je vous fais carrément une peinture qui pourra vous servir de visuel pour votre album. Et puis, de toute façon, je trouverai un moyen de l'écouler, entre guillemets. Donc, le visuel raconte cette thématique du deuil, du foyer, parce que c'est vraiment ça, en fait, c'est le foyer qui est en décadence, qui n'est plus le foyer qu'on a connu dans l'enfance, avec les parents, avec les repères stables. Et du coup, c'est une peinture qui nous plaisait beaucoup parce que ça racontait à la fois le passé et puis la mort de la mort petit à petit, quoi, la décrépitude, mais il y a aussi une forme de douceur et puis de réconfort presque, entre la lumière, entre les couleurs, le bleu, le vert, il y a quelque chose d'assez lumineux et d'assez apaisant, mais en même temps ça fait un sacré pincement au cœur et il y a beaucoup de nostalgie et de mélancolie. Du coup, ça résonne vraiment par rapport à la musique qu'on a écrite, en tout cas sur cet album 3h33. Et justement, en quoi cette peinture est différente de la première, hein, que vous vouliez à la base exploiter ? En quoi elle est différente ? Alors, sur le plan très pragmatique, l'agencement des portes, des pièces, c'était pas tout à fait la même. Il y avait quelques détails de différents. Mais la composition était à peu près la même ? Ah oui, oui, oui, au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance, de ce que dégageait la première peinture, on s'est dit, ah non mais c'est celle-là en fait. Et ça, le peintre l'a bien entendu, il nous a dit, écoutez, je peux vous en faire une qui est quasiment la même, enfin, pas à quelques détails près. Et d'ailleurs, en parlant de détails, il se trouve que de son initiative, le peintre a en fait incrusté dans la peinture, le titre de l'album qu'on peut voir dans la paroi, ouais. Gravé sur le mur. C'est ça. Et si on est très attentif, mais alors là, ça se voit notamment plus sur l'édition vinyle parce que forcément elle est plus grande. Mais il y a aussi le nom des morceaux qui sont taillés dans les murs, mais qui sont taillés à l'envers. Donc on peut, en cherchant bien, voilà, on peut trouver les noms des morceaux. Intégré dans la peinture, ce qui est vraiment signe que le peintre était vraiment partie prenante aussi, tu vois, pour faire exister notre musique dans sa peinture. On est très très content de ce résultat. C'est sympa, ça. Je trouve ça me rappelle forcément les grandes années des vinyles et des superbes pochettes, par exemple de Maiden, Power Slave, avec tous les détails. Tu pouvais regarder et trouver de nombreux détails assez marrants sur la pochette de la pyramide où tu voyais des hiéroglyphes, et au milieu des hiéroglyphes tu trouvais R2-D2 ou ce genre de choses. Alors bien sûr, là c'est peut-être pas aussi poussé au niveau des détails, quoique là, en tout cas au niveau des choses à trouver, mais on a, à mon sens, alors je suis peut-être moins spécialiste d'art que de musique, néanmoins on a une très belle peinture, voilà. Et ensuite, d'un point de vue visuel sur scène, ou alors on va pas dire jusqu'aux écrans derrière vous, des choses comme ça, même si c'est quelque chose qui peut se développer, mais est-ce que vous avez peut-être commencé à imaginer ce que pourrait devenir le groupe s'il était mené à se développer et à poursuivre un peu dans cette voie? Oui, tout à fait, on est en plein dedans. En même temps qu'on écrit, on essaye de vraiment réfléchir au live pour faire exister l'album sur scène. Et là, on est en train de réfléchir à une chorégraphie lumière pour vraiment offrir une expérience sensorielle à la fois sur le plan de la musique, mais aussi sur le plan visuel et puis de l'atmosphère, parce que c'est vraiment... On pense le set de 3h33 comme finalement un peu un seul bloc avec des transitions qui maintiennent à l'intérieur de la musique. Il y a quelques années, on faisait des concerts avec des silences entre les morceaux, et en s'auto-regardant, on s'est dit non mais c'est pas possible, il faut qu'on qu'on construise autre chose. Et donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur l'aspect lumière et puis l'aspect sample pour pouvoir restituer sur scène la foultitude de détails qu'on a pu écrire et qu'on a pu enregistrer en studio. Notamment tous les arrangements de guitare, toutes les ambiances sonores. Voilà. Ça, on veut que ça puisse aussi exister sur scène. On veut pas livrer une copie à 60% de ce qu'on a pu mettre sur le CD. On essaye de faire une musique, j'allais dire, honnête et fidèle à ce qu'on a pu enregistrer. Et justement, est-ce que la jonction d'un clavier pourrait se faire pour, on va dire, gérer un petit peu ces samples? On y a réfléchi, mais en tout cas, on se voit pas. Aujourd'hui, on se voit pas passer à 5 avec quelqu'un qui viendrait faire les ambiances. Pour le moment, on se trouve bien à 4, et puis c'est vrai que les employés du temps sont très sensibles non plus. On préfère rester sur 4 et puis vraiment tout dédier sur un ordinateur avec des samples et jouer au clic pour que ce soit préenregistré et que ça puisse ça puisse vivre de la même manière que sur le CD. Mais après, je ferme pas la porte si au détour d'une date ou dans nos réseaux on rencontre quelqu'un avec qui ça matche à fond, tant sur le plan personnel que musical, on ferme pas non plus la porte à accueillir un nouveau membre. Ok, alors je te propose maintenant de passer au morceau qui ouvre l'album, The Order of Things. Est-ce que tu pourrais présenter ce titre-là? Alors, c'est le seul survivant, ce morceau, c'est le seul survivant de l'ancien Inner Landscape, entre guillemets. C'est un morceau qu'on avait à peine fini d'écrire dans notre ancienne formation et qu'on a quand même gardé avec la venue d'Adrien, puisque finalement il était assez souple pour être investi par justement ce côté un peu plus jazz. Et c'est un morceau qui parle notamment, le titre fait référence à l'ordre des choses, et c'est notamment l'ordre des choses qui vient être bouleversé par la maladie d'un parent. Et dans ce cas précis, en fait, c'est l'enfant qui se retrouve à être parent de son propre parent trop tôt, et qui se retrouve à porter toute la famille, à porter ses propres parents dans la maladie et puis dans le doute, l'angoisse. Et du coup, voilà, c'est un peu la première claque de cette décadence. Et c'est un peu aussi un cri de d'insoumission. C'est pas censé fonctionner comme ça, c'est pas ça l'ordre des choses, c'est pas censé se passer comme ça. Et c'est ce que je répète dans le morceau, c'est « It's backwards, I said so », donc c'est à l'envers, je le déclare, je le décrète, c'est pas censé se passer comme ça, et je refuse. Voilà ce qu'il y a derrière ce premier morceau. Ok, en tout cas, merci à toi pour l'appel ce soir. Jetez-vous sur cet album Inner Landscape avec 3h33, ce sera le morceau The Order of Things. On a là 6 compositions qui sont assez bien, avec beaucoup de contenu, on va dire, puisqu'il y a quand même une certaine richesse dans la musique et puis dans le son et la recherche, bien sûr, sonore et d'ambiance. Si vous appréciez des groupes comme Call to the Luna ou même Porcupine Trees pour certaines ambiances et Isis, c'est peut-être le groupe avec lequel c'est le plus facile de créer un parallèle. Jetez-vous dessus, ça vient de sortir sur la Clonosphère. On envoie le morceau qui ouvre l'album, The Order of Things. Et on s'envoie ça tout de suite en espérant vous voir en concert très rapidement dans la région de Lyon ou même Saint-Étienne pour voir un peu votre musique sur les planches. Merci beaucoup, on espère aussi pouvoir jouer. Merci pour l'invitation dans Overdrive et puis merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter l'interview et qui découvrent notre musique. Merci à vous. Yes, Inner Landscape, tout de suite sur Overdrive Radio Duo, 3h33, et le morceau The Order of Things. On remercie le groupe pour l'interview. Jetez-vous sur son album qui est sorti sur la Clonosphère. Et on va continuer avec du Doom maintenant, Mind Burns Alive. Encore un long morceau et une longue plage musicale. Ce sera le morceau titre avec Mind Burns Alive par Pal Bearer. Of orange and red, we please. Voilà pour Paul Bearer, Minds Burns Alive, avec ce morceau titre paru sur Nuclear Blast. On va continuer maintenant avec Tear Battle Ballads, tout de suite sorti sur Metal Blade, dans un style pagan qui devrait plaire aux amateurs du style. Dragons Never Die. Dragons Never Die, tout de suite sur Overdrive Radio Duo, et on continue avec l'une des grosses sorties trash du moment, Kerry King Where, premier album solo de Kerry King qui vient de voir le jour. Donc on y retrouve le chanteur de Death Angel from Hell I Rise, premier album de Kerry King en solo. On retrouve également l'ancien guitariste de Machine Head, Phil Demmel, et puis bien sûr Paul Bostaph, qu'on a connu les dernières années dans Slayer. Residue tout de suite. Ah! Yes, après Kerry King, c'était au tour de Evil Dead de jouer avec ce Raising Fresh Hell, paru sur leur dernier album sorti sur SPV Records. Et maintenant, un peu plus de death metal pour quasiment terminer l'émission avec Hex Unending par le groupe Dave. Tout de suite, c'est sorti sur Metal Blade Records. Yeah. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se quitte au son du dernier album de Marty Friedman, Drama, avec ce Dead of Winter, qui est un morceau non pas instrumental, mais chanté. On remercie encore une fois Inner Landscape pour la super interview ce soir. Jetez-vous sur leur album 3h33, paru sur la Clonosphère. On rappelle le www.radioduo.org. On rappelle le www.facebook.com/overdrive-radioduo. Oui, le www.radioduo.org. Et puis tout simplement la plateforme Mixcloud pour les podcasts, si jamais vous voulez retrouver des références de titres que vous avez appréciés. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye. Before, and you're dripping cold in water, but you never heard this storm. And you thought you had more life to give, but it's feeling like the end. Just like the sun, we rise again. There's a light ahead that's calling through the wind. And the night is cold and long. It's all wrong. We'll be right back. the dead of the winter.